Ali, Deux F. On sait pas à quoi s'attendre. T'es dans la merde si t'es un tendre. Et je m'en bats de leur liste d'attente. Attends, ils ont voulu me lâcher sur une pente. Sans frein, des excuses sur ma vie qui peuvent les attendre. On m'a dit qu'ici c'est toi et ta chance. Et tâche de faire les choses bien, car on a des comptes à rendre. Parce que la France nous aime, ouais mon cul elle nous plante. Oui elle nous baise et ça, ça date depuis l'époque. Y'a tellement de choses qui me font battre. Triper la vie c'est un bal. Trapper, je veux pas finir comme ce mec qui est mort plein de balles. Triple, tellement de choses j'ai pas. Tilté quoi matin j'ai pas. Idée juste en galochant une mèche pour épécho les pas. Une vie éprouvante, remake d'un film d'épouvante. J'ai vu un frère qui kiffait le foot se déplacer en chaise roulante. Je ne sais pas à quoi m'attendre, donc du mal à me détendre. Mes textes des SOS en espérant que quelqu'un les entende. À quoi tu veux t'attendre quand ça se tape pour de la monnaie? Pour elle-même des gens se pompent, je demande à Dieu de les pardonner. J'accuse l'époque, un monde conditionné où on encaisse les coups sans se faire auditionner. Nos vies sont pleines de conditionnels, de mauvaises conjugaisons. Putain c'est rentré dans les mœurs que des frères passent en casse-prison. J'en ai le moral en vrac, on ne sait plus à quoi s'attendre. Ils vivent la mort à l'envers, derrière des corps de septembre. De loin, tu sentirais un mec qui veut ton bien. Des gens bien, franchement, il en reste combien? Beaucoup sont pleins de combines et tant bien que c'est ton pote qui fracasse chez toi et qui prend tous tes biens. On sait pas à quoi s'attendre, comme ils ont voulu faire croire que l'Amérique est la victime du 11 septembre. C'est haram à un point inimaginable que ça a coûté la vie à des milliers d'innocents musulmans. Je vois donc certitude, je me noie entre confiance et incertitude. La vie de rêve, il faut vraiment que je la teste avant. Je crève, je laisse au moins chose qu'elle sur mon testament. Bref, à quoi s'attendre si ce n'est qu'on va canner, que la mort nous a cramé et qu'on peut même l'entendre ricaner. Mec tout, j'ai qu'ici bas le chétan de mille troubles. Mais je suis croyant pas d'aise, bouffe, on passera par la mec tous. À quoi tu veux t'attendre, c'est pas les petits qui vont t'attendre, réveille-toi. Si tu plains de check, ce sont pour atterrir. Les rêves des gens se trimballent, les oreilles bzada transpalette. J'essaye de vivre les miens, j'ai l'impression d'être d'une autre planète. À côté de ça, ils tolèrent même un trans, c'est pas net. Jette les roms dehors quand mon crash vulgairement des arrêtes. Trop de rails en maison d'arrêt, attendant seulement une enquête. La merde joue à guichet fermé, y'a pas de billet. On est né avec. C'est la merde, y'a pas de billet, on est né avec. Yali, DEZ2L. Oh, calibre record. En 2010, frérot. En 2010, frérot. 1-1.